veulent qu'on parle de thunes et chats, qu'on parle de bitume et bac, veulent du gangsta dans les bacs, qu'on soit le cliché du rap, il faut que le rap ça claque, qu'on soit une pute au nom Mac, encore une fois je claque, on vendra jamais notre mic. Ils veulent qu'on parle de thunes et chats, qu'on parle de bitume et bac, veulent du gangsta dans les bacs, qu'on soit le cliché du rap, il faut que le rap ça claque, qu'on soit une pute au nom Mac, encore une fois je claque, on vendra jamais notre mic. J'ai pas toujours la casquette, j'suis pas toujours en basket, j'délaisse souvent mon survêt, mais t'inquiète, j'suis connect, j'prends pas l'accent de Booba, normal ça représente pas. Lui c'est du rap commerce, et moi du hip hop d'en bas. Je peux être incisif sans dire à tout va nique ta mère, préférant jouer de la langue de Voltaire. Ils ont dénaturé un mouvement révolutionnaire, pourtant dans la new school y'a des sources de lumière. On préfère écouter, j'ai ma casquette à l'envers, que des textes engagés ou des textes sur l'univers. Ils n'ont pas écouté le 7 ou le cosmos, encore moins assassin du rocking squat le boss. Skyrock en première ligne pour passer les merdes qu'ils inondent, c'est pas l'état assassin qui passera sur leur zone. Encore moins du complot considéré groupe local, y'aura jamais d'autographe tel Karwan Radical. Ils veulent qu'on parle de thunes et chats, qu'on parle de bitume et bac, veulent du gangsta dans les packs, qu'on soit le cliché du rap, il faut que le rap ça claque, qu'on soit une pute non mac, donc encore une fois je claque, on ne vendra jamais notre mic. Ils veulent qu'on parle de thunes et chats, qu'on parle de bitume et bac, veulent du gangsta dans les packs, qu'on soit le cliché du rap, il faut que le rap ça claque, qu'on soit une pute non mac, donc encore une fois je claque, on ne vendra jamais notre mic. Le hip hop est notre arme, le savoir son chargeur, arrêtons d'associer le rappeur avec branleur. Il est mon éducation, complément éducatif, une authentique vision qui laisse certains craintifs. Stéréotyper c'est facile, mais comprendre plus subtil, car la base du mouvement n'a pas de source hostile. Le rap c'est rythme et poésie, un mélange de couleurs, réflexion, philosophie, un mélange de saveurs. Je suis pas non plus MC Solar, mec tranquille à la cool, touche au mien ou à mon art, tu prendras un coup de boule. Je suis pas un chien qui mord, mes rimes sont juste hardcore. Ma musique c'est ce qui se passe dehors, une vision engagée, quelques voix du 6-2 qu'on ne peut manipuler. Encore une fois je claque, on ne vendra jamais notre mic. Quelques voix du 6-2 qu'on ne peut entuber, donc encore une fois je claque, on ne vendra jamais notre mic. Ils veulent qu'on parle de thunes et chats, qu'on parle de bitume et bac, veulent du gangsta dans les bacs, qu'on soit le cliché du rap, il faut que le rap ça claque, qu'on soit une de mac, donc encore une fois je claque, on ne vendra jamais notre mic. Ils veulent qu'on parle de thunes et chats, qu'on parle de bitume et bac, veulent du gangsta dans les bacs, qu'on soit le cliché du rap, il faut que le rap ça claque, qu'on soit une pute au nom mac, donc encore une fois je claque, on ne vendra jamais notre mic.